je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Fanny, qui va co-animer avec moi l'émission. Salut Fanny. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un thème assez particulier, parce que parfois, on ne maîtrise pas certaines langues, on ne parle pas coréen, ukrainien, ou je ne sais pas, ou d'autres langues un peu exotiques, voire même l'anglais. Ça arrive de ne pas maîtriser ces langues et il y a des gens assez motivés qui font ce travail de traduire tout simplement et c'est un métier qui est assez intéressant et qui mérite, en tout cas on le pensait avec Fanny et le reste de l'équipe, que ça méritait une émission. Donc aujourd'hui on va parler de traduction du jeu, des jeux. Là particulièrement on va parler de jeux vidéo avec deux invités, Benjamin et Sibyl. Je vais peut-être vous laisser vous présenter chacun l'un après l'autre, qui veut commencer. Bonjour, moi c'est Sibyl, traductrice de jeux vidéo depuis 4 ans, ça commence à dater, voilà. Benjamin, tu veux-tu te présenter ? Oui, bonjour à tous. Eh bien, moi, c'est Benjamin. Je suis traducteur de jeux vidéo également et aussi producteur de localisation. Donc, aussi dans la traduction de jeux vidéo, mais c'est un peu ce qui concerne la gestion de la traduction et la production de voix françaises pour le jeu. Voilà. Donc, on va avoir deux aspects de la traduction avec vous deux. Donc, si je comprends bien, d'un côté, Benjamin, tu vas être à la fois sur la traduction, mais aussi sur la partie audio de la traduction. Et Sibyl, si je ne me trompe pas, tu es plus sur une traduction textuelle. Disons, oui. Tout ce qui est interface, description de sort, texte de quête... Absolument tout ce qu'il peut y avoir d'écrit dans un jeu, de A à Z. Ah, parfait. Alors déjà, une première question un peu de base, c'est comment ça fonctionne une traduction de jeu ? Comment vous recevez le jeu ? Est-ce que vous le testez avant ou au contraire, vous allez juste avoir du texte à traduire ? Comment ça fonctionne ? Alors, on aimerait beaucoup pouvoir tester les jeux avant de mettre les mains dedans, mais souvent, on traduit à l'aveugle. Après, on sait à peu près de quel univers il s'agit, on reçoit de temps en temps des corpus qui décrivent l'univers auquel on a affaire et quel champ lexical, quel ton utiliser. Mais bon, malheureusement... Ouais, j'ajouterais que c'est pour le moment la principale difficulté de traduire le jeu vidéo par rapport à d'autres supports, c'est que on est totalement en aveugle. Il y a une très grande variété de textes. On reçoit, comme disait Sibyl, tout le texte du jeu, vraiment tout ce qui, les descriptions, les noms, les dialogues, les sous-titres. On reçoit tout un peu en vrac, on va dire, c'est plus ou moins organisé. Et on a très rarement l'occasion de tester, voire même de voir à quoi ressemble le jeu sur lequel on travaille. Donc on reçoit vraiment que du texte, et très souvent, avec très peu d'informations, on doit rendre quelque chose de cohérent et de fidèle dans les délais qui nous sont impartis par le développeur. En fait, c'est que notre but, en fait, c'est de faire une version du jeu qui va être compréhensible pour un public francophone, et en particulier au niveau des références culturelles. Effectivement, vous avez assez peu d'informations, mais pour qu'on puisse un peu se représenter la chose, disons, je sors mon jeu, on va dire, en je dis un truc au hasard, en janvier 2019. Là, voilà, on se donne un an pour faire un jeu. À partir de quand je dois l'envoyer à un traducteur? Justement, quand est-ce que vous le recevez pour commencer? Parce que ça peut être long, j'imagine. Souvent, c'est une fois que les textes sont finalisés déjà. Parce que s'il y a des modifications sur les textes, il faut faire retraduire et donc ça coûte de l'argent. Donc souvent les développeurs vont, s'ils sont bien organisés, c'est pas toujours le cas, vont essayer de transmettre les textes de leur jeu une fois qu'ils sont terminés. Et ça a lieu selon le volume du jeu, ça a lieu entre, on va dire, 6 et 3 mois avant la date de sortie en général. Par exemple, pour un jeu indépendant, avec où il y a très peu de textes, ça peut évidemment être transmis plus tard. En gros, la phase de localisation, c'est la dernière phase avant la sortie. Donc, on a la traduction. Ensuite, on a la phase de LQA, de test de traduction, en fait, pour voir si tout le texte rentre bien dans les cases, s'il n'y a pas de débordement, s'il n'y a pas d'oubli, d'incohérence. Et ensuite, le jeu sort souvent en phase de bêta avant. Et ensuite, voilà. Et est-ce que tu peux définir ce que c'est? Parce que vous savez deux fois que vous avez dit localisation. Par rapport à la traduction, qu'est-ce que c'est? Contrairement à la traduction, en théorie, localisation, c'est un mot qui existe pas, c'est un emprunt à l'anglais, donc c'est un truc qu'on évite normalement dans la profession, mais on l'utilise en fait pour différencier la traduction pure, où on va se contenter de retrouver le sens du texte original, et la localisation, effectivement, c'est, comme disait Sybille, l'adaptation du texte vers le public concerné. Donc par exemple pour un public français, il va falloir trouver des références pour, par exemple, pour les blagues, pour les noms de lieux, pour les jeux de mots, etc., qui correspondent vraiment au public visé. Et ceci dit, il y a une autre définition, il y a aussi des boîtes qui font la différence entre la traduction, qui est la partie texte, et la localisation, qui est la partie doublage. Donc vraiment produire une version française intégrale d'un jeu. Je vais revenir sur le point localisation, avant peut-être le doublage, qui je pense est un gros point. Alors, je pose une question faussement naïve, mais je pense que c'est bien d'expliciter la chose. Quand on dit localisation, en fait, c'est ce qui explique que, dans, par exemple, Pokémon, le premier Pokémon, on n'arrive pas dans des villes comme Roubaix, Melun, mais on arrive à je sais pas, Bourg-Palette, etc. C'est ça, et pourquoi? Oui, alors ça, c'est... Oui, parce que ce sont dans Pokémon, dans le texte original, ce sont aussi des villes imaginaires, même si elles sont souvent d'ailleurs inspirées de villes réelles. Ça aurait été, à mon avis, une faute de localisation, effectivement, de traduire des villes imaginaires par des lieux réels. En revanche, simplement garder le nom en japonais, voire le franciser un peu, ça aurait aussi été une faute de localisation, et c'était probablement la bonne chose à faire que de trouver des noms sonnants en français mais imaginaires. À mon sens, typiquement pour les noms de lieux, par exemple, ce qui est important, c'est de rendre l'esprit du jeu, en fait. C'est de pouvoir donner aux joueurs la même impression, ou l'impression la plus similaire possible qu'un joueur japonais aurait eu en lisant le texte original. Et c'est pour ça qu'on va donner des petits noms un peu plus originaux. Voilà, clairement, Bourg-Palette, ça évoque un nom de petit village paumé à n'importe qui en France. Donc c'est effectivement une bonne initiative de localiser un nom qui évoquerait un petit village japonais à un japonais. Mais alors, comment vous faites pour rendre l'esprit d'un jeu si vous recevez des bouts de texte à droite et à gauche, peut-être juste d'abord des commandes système à traduire, puis un bout de dialogue, puis un livre de quête qui arrive à la fin du jeu? Ça n'arrive pas de temps en temps de revenir sur des traductions antérieures en se disant « Oh là là là là, comment ça fonctionne ?» Si, ça arrive, ça arrive souvent quand on a le temps. Ouais. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, il y a un project manager qui va être responsable d'un jeu, mettons, et qui va choisir un certain nombre de traducteurs pour travailler sur un projet donné. Et à partir de là, nous, on va recevoir, on va nous assigner certains fichiers du projet. Et à partir de là, donc on aura, mettons, nous, enfin moi, j'aurai que les objets et les sorts et l'interface, alors que Benjamin, il aura les lieux, le dialogue. Et à partir de là, le but, en fait, c'est de surtout bien entretenir un glossaire, de bien entretenir une base de terminologique et de communiquer entre tous les traducteurs pour être sûr que, voilà, que en fait, on n'est pas à côté de la plaque et qu'on n'hésite pas à demander des renseignements sur des événements. Ça c'est dans l'idéal, hein, parce que c'est dans l'idéal, parce que dans un projet qui effectivement est bien géré avec un chef de projet compétent et surtout un éditeur ou un développeur qui a envie d'avoir une bonne localisation, parce qu'il y en a qui s'en foutent complètement. Ça va effectivement se dérouler comme ça. On va avoir des fichiers bien séparés, on va éventuellement avoir des réponses aux questions qu'on pose pour avoir plus de contexte, et on va pouvoir corriger ce qui a besoin d'être corrigé. C'est pas une fois que c'est envoyé, on vient plus dessus. Mais il y a aussi beaucoup de cas. Donc quand c'est un jeu, on va dire un gros jeu, qui est géré par des éditeurs qui ont le temps et les ressources nécessaires à consacrer à ça, typiquement ce qu'on appelle les jeux AAA, donc ceux publiés par les gros éditeurs, les jeux à gros budget, là ça va se passer comme ça, ça va être géré de manière logique et va optimiser le travail de traducteur. Sur des projets plus petits ou avec des délais plus serrés, effectivement on peut avoir le problème de traduire complètement à l'aveugle et d'espérer qu'on tape au bon endroit, quoi. J'imagine que sur des grosses licences, et notamment il y a des trucs où il y a ce qu'on appelle des cliffhangers, ces sortes de chutes un peu inattendues qui renversent complètement la narration. Et j'imagine que sur ce genre de jeu, il y a des conditions de respect d'un certain secret qui doivent être très compliquées à gérer, surtout que je crois savoir que le monde de la traduction, il y a plein de forums, etc. Comment vous gérez ça ? On signe des accords de confidentialité systématiquement, en fait. Avec chaque client et parfois même pour des projets particuliers, des accords plus contraignants. Il y a effectivement des jeux où ça peut poser problème, mais il y a surtout des éditeurs qui jouent beaucoup sur le même d'un point de vue marketing, sur les contenus de leurs jeux, qui ont surtout pas envie que ça filtre à l'avance. Et travailler avec des sociétés comme Blizzard ou Disney par exemple, ça signifie ne jamais pouvoir divulguer quoi que ce soit sur les projets à venir. Donc comme ça, c'est réglé. Il y a pas de quel que soit le contenu du jeu, de toute façon, on peut même pas en parler. Donc ça pose pas de problème. Et du coup, pour vous deux, parce que il me semble que vous avez eu l'occasion de travailler sur des jeux de plus ou moins grande envergure, d'avoir quand même travaillé sur des projets assez différents. Qu'est-ce que vous préférez l'un comme l'autre entre travailler pour un gros studio ou sur des petits jeux indés voilà. Quel est le profil de boulot que vous préférez ? Non, moi, ce que j'aime bien, c'est... Comment ? Non, moi, ça m'est un peu égal, honnêtement. Tant qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est que je m'attache facilement au projet, en fait. Donc, du coup, à partir de là, non, j'ai pas de préférence. Moi, je dirais que ça, indépendamment des gros studios ou des petits studios, parce que ça, c'est pas forcément un gage de qualité dans un sens ou dans l'autre. C'est le contenu du jeu et l'univers et la gestion du projet qui font qu'on a envie de travailler sur quelque chose. Si c'est un jeu, on va dire un free-to-play un peu générique, voilà, qu'on a vu mille fois, avec des dialogues pas intéressants et qui est juste là pour faire de l'argent, ça peut être un gros studio ou un petit studio, ça va pas être intéressant à faire. Et si c'est un jeu avec un bon scénario, des super acteurs qui vont bosser dessus, bien écrit, etc. Qu'il y ait du budget ou pas, ça va être intéressant à traduire. C'est un petit peu ce qui différencie de d'autres secteurs du jeu vidéo, ou du jeu en général d'ailleurs, du secteur de conception physique, de programmation, de marketing, etc., qui eux peuvent voir une différence systématique entre des petits projets ou des gros projets. Nous, c'est en fonction du contenu littéraire. Donc ça, c'est indépendant des moyens. Je sens que tu n'es pas tout à fait d'accord, Sybille. Si, justement, je faisais oui. Oui, c'était un oui, c'était pas un... Non, non, il dit n'importe quoi. Non, non, tout va bien. Non, non, je suis assez d'accord. Voilà, enfin, c'est ça, tout dépend du projet, en fait. Il y a un mot, moi, qui m'a marqué dans ce que disait Benjamin. C'était bien écrit, ce qui sous-entend, du coup, bah, il faut bien le traduire en face. Et là, je veux dire, par exemple, on dit, ah là là, mais par exemple, tel auteur, qu'est-ce qu'il écrit bien ? Enfin, je parle, par exemple, J.K. Rowling ou je sais pas, Charles Bukowski, j'en sais rien. On dit, ah là, qu'est-ce que c'est bien écrit, mais ça dépend la version qu'on a lue. Si on a lu la version française, ça a été traduit. Donc, quelle est la marge de manœuvre du traducteur ou de la traductrice ? Après, on parle de si c'est bien écrit à la base, donc bien évidemment, bon, bah, Rowling, ça va sans dire, c'est très bien écrit, voilà. Mais après, c'est au traducteur de savoir faire une traduction à la fois fidèle à l'univers, au style, tout en réussissant à faire des références culturelles, enfin adapter les références culturelles pour que le lecteur soit pas perdu. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. Voilà. Mais... Oui, et après, voilà, tout est une question de pouvoir, de faire un beau rendu, en fait, de pouvoir faire une traduction littéraire, parce qu'au final, je trouve que en localisation, bon, ça peut paraître un peu étonnant, mais on est quand même souvent amené à voir, enfin voilà, on doit quand même souvent faire de la traduction de haut niveau qui requiert quand même beaucoup de capacité de créativité, d'adaptation, de transcréation parfois. Pour que le rendu soit aussi alléchant qu'en anglais et aussi fidèle. Bah, c'est pour ça que je veux dire que c'était bien écrit. Si ça ne l'est pas, ça va nous demander beaucoup plus d'efforts pour rendre quelque chose d'intéressant en français. Quand je parlais tout à l'heure d'ailleurs de jeux très génériques en termes d'écriture, c'est aussi ça que je veux dire quand je parle de quelque chose de mal écrit. Des dialogues qui sont vraiment pas intéressant et que moi en tant que joueur je zapperais direct parce que ça c'est pas intéressant à suivre et ça n'avance rien dans la narration, etc. Quand on doit traduire des dialogues comme ça, soit on respecte l'anglais et on fait quelque chose de plat, soit on fait appel effectivement à la capacité de transcréation et on va essayer de rendre des dialogues un petit peu plus dynamiques, avec plus de blagues, quitte à dévier de l'original. Donc plus l'écriture à la base est bonne, moins le traducteur a de travail, quelque part. Et tu parlais de J.K. Rowling, la traduction française de... Je ne sais plus comment il s'appelle, Jean-François Ménard. Elle est extraordinaire, je trouve, précisément parce qu'il a fait œuvre de localisation. Il a vraiment été... quand il est tombé, par exemple, je pense à ça, les noms des différentes monnaies dans l'univers de Harry Potter, enfin de différentes pièces de monnaie qu'ils utilisent, il a été chercher il a été créé des noms qui renvoyaient à la même chose que l'idée que Rowling avait voulu transmettre en français, par exemple. Les morvilles et les noises. Oui, voilà, c'est lesquels qui valent les moins, je ne sais plus, c'est les noises, oui, c'est ça. Alors, en anglais, je ne sais plus exactement ce que c'est. Ça fait assez longtemps que j'ai pas lu Harry Potter. Mais en gros, c'est les notes ou un truc comme ça. Non, mais c'est un nom. Ouais. C'est un mot qui est dérivé de ça, qui donne cette impression. C'est un nom qui est dérivé d'un truc argotique en anglais qui veut dire qu'il vaut pas grand chose. Et en français, il a été chercher un mot, créer un mot qui fait immédiatement penser à quelque chose qui vaut pas grand chose et qui est un petit peu comique aussi. Enfin voilà, ça c'est vraiment un travail de localisation de bonne qualité. Et bon, donc je pense qu'on sans trop m'avancer pour dire que Jean-François Ménard est un bon traducteur, mais à la base il travaille avec un texte qui est de très grande qualité également. Par contre, j'aimerais pas être le traducteur de Bukowski. Du coup, par rapport à la traduction, là on parle d'une traduction, bon, de l'anglais au français, ce que vous faites le plus souvent tous les deux. Il me semble que de toute façon, quand on traduit, on est censé toujours traduire vers sa langue maternelle, quelle que soit la langue d'origine. Mais est-ce que vous traduisez systématiquement des jeux qui sont originellement en anglais ? ou est-ce que l'anglais est une langue intermédiaire qui peut permettre de traduire justement des jeux dans des langues plus, je vais pas dire obscures, mais avec un moins grand nombre de traducteurs disponibles. Ouais, bah, effectivement, ça arrive assez souvent qu'on doit travailler avec ce qu'on appelle des relais, c'est-à-dire de l'anglais qui est déjà la traduction du texte original. Souvent sur les jeux coréens ou chinois notamment, ça arrive, puisque c'est plus difficile bien sûr de trouver des traducteurs coréens-français qu'anglais-français. Et ça peut être une bonne chose parce que ça donne la possibilité aux développeurs de mieux diffuser leurs jeux à l'international, et ça peut être une mauvaise chose dans le sens où, bah, bien sûr, ajouter un relais, ça, c'est ajouter des problèmes. Sybille, est-ce que tu vas dans ce sens-là, toi aussi, ou tu observes quelque chose de totalement différent ? Non, je vais dans ce sens, dans la mesure où, en fait, pour traduire du relais, bah oui, c'est là justement on fait encore plus appel à la transcréation. C'est vraiment un très très très important de pouvoir adapter en fait un anglais assez basique en fait, et de pouvoir en faire quelque chose en français qui est quand même plutôt sympa à lire, avec des petites blagues, rajouter des petites références culturelles, des petits mèmes à droite à gauche. Et oui, ça demande énormément de travail, en fait. Ouais. Et clairement, les jeux qui font appel à des relais sont rarement ceux qui ont plus de budget ou ceux qui ont le meilleur profil, parce que beaucoup de studios, à partir du moment où ils ont un certain budget et ils savent qu'ils ont une certaine diffusion à l'étranger, préfèrent directement écrire leur jeu en anglais, même si c'est pas leur langue d'origine. Par exemple, c'est le cas de... Alors, si je ne me trompe pas, c'est le cas de The Witcher, qui est écrit en anglais alors que le CD Projekt qu'il développe est en Pologne. Et c'est aussi le cas, en France, on a eu ça avec Life is Strange, jeu absolument extraordinaire, développé par Dontnod à Paris. Et leur premier jeu, ils avaient fait appel à un relais, c'est-à-dire qu'ils avaient écrit en français, ils l'avaient fait traduire en anglais, et après ça avait été retraduit en français. C'est partie des processus parfois un peu absurdes de l'édition. Et pour leur deuxième jeu, ils l'ont directement fait écrire en anglais, même si tout le jeu était développé à Paris, parce que le marché anglophone est beaucoup plus important. Donc on a parlé des bonnes traductions, effectivement, de ce décalage. Ces espèces de traductions intermédiaires. Mais du coup, ça me pose une autre question. Est-ce qu'il y a des courants de traduction ? Parce qu'on parle de courants littéraires parfois. Est-ce que ça existe ? Puisque après tout, bah, vous, les traducteurs et traductrices, bah, vous êtes un peu écrivains et écrivaines. Disons oui, en fait, finalement, quand on y pense. Parce que, en fait, il y a deux écoles en traduction. C'est l'école, l'auteur a écrit un texte. Il faut le rendre le plus fidèlement possible, sans prendre de liberté, parce que sinon on altère ses propos et ce qu'il a voulu transmettre à ses lecteurs. Et il y a l'autre école qui dit, bah oui, mais si on fait une traduction brute comme ça, bah on va pas pouvoir lire, parce qu'en français, il y a des tournures qui ne correspondent pas, parce qu'il y a des idiomes qui sont incompréhensibles en français, il faut adapter en fait. Donc oui, il y a ces mouvements au sein de la traduction, comme à l'époque d'ailleurs où on faisait plus. Enfin, Benjamin, tu voulais... Ouais, ça renvoie un petit peu à ce qu'on disait sur la différence entre la localisation et la traduction. C'est-à-dire toujours avoir des traducteurs qui ont envie de rester très proches de la source et d'autres qui vont avoir tendance à plus s'éloigner pour avoir un texte qui ressemble à quelque chose qui aurait été écrit directement en français. Mais du coup, j'y pense, là, c'est toujours sur cette question localisation-traduction. Dans le cas d'un jeu dont les références culturelles seraient importantes, en fait, comment vous faites pour déterminer les références culturelles à traduire textuellement, les éléments à localiser, si je puis dire, ou est-ce qu'il faut rajouter une note de traducteur à côté du texte pour rendre ça lisible ? Parce qu'il y a des jeux dont c'est le but, par exemple, hein, là je cherche des idées... Bon, les Total War qui seraient dans les univers sont je sais pas, le Total War Shogunat, il n'était pas fait par des Japonais, donc c'est pas un bon exemple, mais ça doit exister quand même. Oui, non, non, bien sûr, tu as des jeux. Le problème, c'est qu'on peut pas vraiment mettre des dates de producteur, hein, y a pas de bas de page dans le jeu, donc c'est compliqué. Mais y a beaucoup de jeux effectivement où les références, où les univers sont des univers réels, parce que quand c'est un univers fantastique ou imaginaire, science-fiction ou autre, ça pose pas vraiment de problème de changer les termes ou les références. Mais quand c'est un univers réel, qui avec une culture très marquée, je pense par exemple aux jeux comme GTA, Watch Dogs ou choses comme ça, où n'importe quel dialogue est complètement versé dans la culture urbaine américaine, c'est très compliqué d'insérer des références vraiment française dedans. En général, ça fonctionne pas. Dans ces cas-là, il faut... Moi, je dirais qu'il faut se mettre un peu à la place du joueur et voir si ça fonctionne, si ça fait pas un trop grand décalage entre ce qu'il voit, ce qu'il a comme expérience et ce qu'il entend. Typiquement, un jeu comme GTA, où le joueur va quand même chercher à vouloir être immergé dans un univers typiquement américain, quoi, californien ou Chicago. Donc je pense que là, à mon sens, hein, la plupart des références culturelles doivent rester justement pour qu'on comprenne bien l'univers. Donc t'es pas favorable au fait de traduire le FBI par la DGSI, par exemple? Ça dépend des cas. Dans cet exemple-là, ça ne peut pas marcher. Vraiment. Mais là, des cas, non, là, c'est clair que là, ce sera du FBI et ce sera, je vais aller me chercher un burrito en skateboard et des trucs comme ça, quoi. C'est clair que si tu dis je vais aller me chercher un jambon beurre en mobilette et que le type est en train de jouer une racaille de Los Angeles, clairement ça ne marche pas pour le joueur. Ça ne peut pas fonctionner. Après, vas-y. Non, je vois, bon, c'était, sinon il faut faire un GTA en France, mais bon, ce serait peut-être plus GTA compliqué. En France, ouais, c'est une idée. Peut-être Watch Dogs 3, comme c'est fait par Ubisoft, ils vont peut-être se déplacer à, je sais pas, en 93. Ou... j'avais une autre question, parce qu'on parle effectivement d'une série assez connue comme GTA, mais est-ce que c'est tout le temps les mêmes équipes de traduction d'un épisode à un autre? Parce que c'est vrai, enfin, par exemple, imaginons j'ai fait Witcher 1, j'ai fait la traduction de Witcher 1, est-ce que je suis sûr de faire Witcher 3? Parce que des fois, il y a peut-être des références que... Non, clairement pas. En fait, les références, on les a grâce à des glossaires et ce qu'on appelle une mémoire de traduction, c'est-à-dire une espèce d'archive de toutes les traductions qui ont été faites sur le jeu et qui sont gardées d'un épisode sur l'autre et qui sont transmises aux traducteurs. Après, la plupart du temps, les agences de traduction ou les développeurs vont avoir envie de reprendre les mêmes traducteurs si ça s'est bien passé. Justement pour garder quelqu'un qui connaît déjà l'univers et qui a déjà et qui va avoir une cohérence de style. Mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, entre Dragon Age 1 et Dragon Age 3, je pense qu'ils n'ont pas pu garder les mêmes traducteurs. Et il y a deux, trois incohérences. Je confirme, j'en suis convaincue aussi. Il y a deux, trois incohérences, voilà, au niveau des termes. Par exemple, dans le Dragon Age 1, on a Orlais. Et ils ont traduit par Orlais dans le 3. Donc c'est doublé comme Orlais, donc clairement prononcé. En plus, donc on ne sait pas, c'est juste un tréma qui a été rajouté entre le 1 et le 3. Bon, mais non, c'est vraiment prononcé Orlais, Orlais. Et entre le 1 et le 3, ça fait des petits chocs. Et il y a 2-3 termes comme ça qui m'ont... Ouais, mais ça, une différence de prononciation au doublage. Non, c'est pas que c'est. Enfin, moi, je trouve ça un petit peu dommage, mais surtout, c'est plus la responsabilité du directeur artistique, une fois en studio, de justement se renseigner auprès des traducteurs et du studio pour être certain que ça se prononce Orlais et pas autrement, plutôt que de. Parce que là, à mon avis, ce qui s'est passé, ce que j'ai déjà vu faire en studio, c'est qu'ils ont pris leur propre responsabilité, ils disent, ouais, ça doit se prononcer Orlais. Hop. Étape suivante. Et c'est comme ça aussi qu'on a des incohérences. S'il n'y a pas une une communication parfaite de ce genre d'information. Et ça, c'est la responsabilité des traducteurs aussi de faire de déterminer la prononciation des différents termes et de garder la même prononciation à travers tout le jeu et à travers les différents épisodes. Et s'ils ne le communiquent pas à ceux qui s'occupent du doublage ou si l'information se perd quelque part entre eux et le studio, ça mène à ce genre de problème. Je vais aborder un autre sujet, en fait. L'idée m'est venue là, en vous entendant discuter par rapport au jeu. Donc, la traduction de jeu, ça reste de la traduction. Hein, on est proche du même, la même forme de traduction que de romans, que de journaux, ce genre de choses. Mais pour la traduction de jeu, est-ce que c'est mieux d'être joueur pour traduire des jouets ? Clairement, je pense que c'est un atout. Pour avoir travaillé avec une collègue qui jouait pas et une autre collègue qui jouait, je voyais la différence entre les trades. C'était pas choquant, mais s'il y avait la terminologie en fait qui venait moins naturellement. Donc en fait, elle arrivait à s'en sortir, mais elle devait faire plus de recherches, par exemple. Oui, moi je dirais que c'est même carrément essentiel d'être un minimum joueur, déjà parce que c'est logique, comme tu disais, c'est effectivement de la traduction, et dans tous les domaines de la traduction, il faut être un peu immergé dans ce qu'on fait. On n'imagine pas un traducteur juridique qui aurait aucune notion aucune connaissance légale, par exemple. Ou on n'imagine pas un traducteur de films qui aurait jamais travaillé sur des traducteurs de mode travant. D'emploi. Tu veux qu'il soit spécialisé en quoi ? Ouais, en mode d'emploi, c'est un petit peu. Quand on écrit des modes d'emploi, il y a aussi quelques contraintes aussi hein, dans la formulation, les termes utilisés, la taille, la limite de mots et de caractères qu'on peut faire. Il y a aussi des limitations, mais c'est vrai que le mode d'emploi, c'est pas un univers artistique en particulier. Enfin, ça dépend des constructeurs peut-être, mais en général, c'est quand même quelque chose de très technique et de très neutre que dans le jeu ou dans la littérature ou autre. Il y a un ensemble de références à avoir. D'une part, comme disait Sybille sur la terminologie, c'est-à-dire que si on n'a jamais traduit de jeu vidéo, qu'on est traducteur, mettons, dans un autre domaine, qu'on arrive dans le jeu et qu'on voit marqué PV, FPS, lobby, toute la terminologie du jeu qui est naturelle chez les joueurs, enfin c'est des termes qu'on a vus dans tous les jeux, à travers tous les jeux, ça va déjà poser problème, mais bon, à la limite, ça s'apprend. Ce qui s'apprend beaucoup plus difficilement, c'est la culture du jeu. C'est le fait de savoir quand il y a des références, par exemple à des classiques, à des jeux cultes, ça arrive très souvent qu'il y ait des références, qu'il y ait des citations par exemple, ou tout simplement de savoir quel ton adopter dans un dialogue par rapport à l'univers dans lequel on est. Tout ça, c'est des choses qui s'acquièrent à force de jouer en anglais et en français, enfin quand on utilise la paire anglais-français évidemment, à beaucoup, beaucoup de jeux. Il faut avoir une culture intensive du jeu pour être un bon traducteur de jeu, à mon avis. Et de même que ça marche pour le jeu vidéo et ça marche bien entendu pour le reste, ça marche aussi pour le JDR, où si on n'a ni la terminologie, ni le style classique de l'écriture du JDR, on peut difficilement traduire des manuels de jeu de rôle. Je me faisais la réflexion là en vous écoutant que depuis tout à l'heure on parle du français, mais en tant que nous quatre français de métropole, mais le français ce n'est pas que ça, c'est aussi un français qui est de Belgique, qui est je sais pas moi du Sénégal, je crois qu'il parle français au Sénégal, ou du Québec. Est-ce qu'on traduit de la même manière ? Est-ce que ce sont les mêmes boîtes qui traduisent pour ces différents pays ? Ou est-ce que justement il y a une localisation pour ces différents pays ? Est-ce que c'est du français ? Pour la francophonie, en général, en théorie, il devrait y avoir une localisation francophone, au moins pour les plus gros marchés. c'est-à-dire pour France et le Québec, parce que voilà, y a quand même très peu de choses à changer entre une traduction en français wallon ou suisse et métropolitain. Y a quand même, enfin, ça me semble extrêmement anecdotique. En revanche, effectivement... Alors, tu as les chiffres, hein, 70, 90, 80. Ouais, mais les, alors, on connaît des traducteurs belges qui, du coup, mettent 70, 90 par effort de consultation, on va dire. cependant, c'est vrai que les Québécois, par exemple, les Québécois font de la localisation spécifique pour la région Québec, mais surtout sur des choses qui ne sortent pas en France. Ils le font pour des films, ils le font pour des livres, pour des documents officiels, etc. Et dans ce cas, c'est localisé pour le français québécois. Même si, encore une fois, ça reste compréhensible un peu partout, mais c'est assez rare qu'il y ait des localisations spécifiques pour des langues, un petit peu pour des régionales, mais pour des régions en particulier. Par exemple, ça existe pour le portugais brésilien, ça existe un peu pour l'anglais britannique et américain, et ça existe aussi beaucoup, en revanche, pour l'espagnol. C'est-à-dire il y a des localisations pour l'espagnol mexicain, l'espagnol européen, etc., etc. Mais en français, non, c'est très rare, surtout dans le jeu vidéo, qu'on sorte autre chose qu'une localisation française de métropole. Oui, et du coup, c'est du français de métropole, puisque, en fait, dans le cadre des doublages de films, j'avais eu l'occasion d'échanger avec des Québécois qui disaient qu'à l'oreille, ils entendaient la différence entre un doublage français international et français de France. En fait, différence que personnellement je n'entendais pas. Voilà, ils étaient capables de dire en fait la différence, et encore plus si c'est du français québécois. Et du coup, pour le jeu vidéo, ça reste du français franco-centré et non un français international avec des normes, je dirais, un peu plus larges, un peu plus neutres. Ouais, ça va être vraiment du français. Concentré comme tu dis, mais vraiment pour le coup voilà, même on va plus avoir tendance à utiliser un français qu'un suisse pour certains projets, ce qui parfois n'a pas de sens, mais bon voilà. Et oui, parce qu'on veut justement la langue la plus authentique possible, la plus standardisée, en fait. Oui, c'est un problème, c'est surtout un problème de moyens de développement, c'est-à-dire que faut comprendre, les éditeurs, ça leur coûte évidemment très cher de faire une localisation. Donc quand ils demandent à une agence de traduction s'ils peuvent se contenter de publier une version française métropolitaine, ce qu'on appelle FRFR chez nous, puisqu'il y a des petits codes pour les langues, à l'international, les agences de traduction vont répondre oui, tout le monde le comprendra. Et c'est vrai, je veux dire, un francophone du Cameroun, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Paris, ils vont tous comprendre la version française métropolitaine. Donc forcément, il n'y a pratiquement pas d'éditeurs, ou à moins que ce sont des cas très particuliers, qui vont avoir envie de payer une deuxième localisation pour des changements qui vont pas être utiles à la compréhension du plus grand nombre. Les exemples que je citais tout à l'heure, avec par exemple le portugais brésilien, oui, là, ça peut poser un gros problème. Donc, ils le font. Alors, attends, hop, on a une légère coupure d'enregistrement. Hop, c'est bon, on reprend. Mais en tout cas, je pense qu'on aura pu saisir, malgré le petit souci technique. En fait, je pensais à cette anecdote-là, à ce cas très spécifique, parce que j'ai l'occasion de voir un chroniqueur de jeux vidéo, pour le coup, qui lui est suisse, et il racontait en fait sa difficulté à avoir notamment des jeux portant sur le massacrage de nazis, je pense notamment au dernier Wolfenstein, où en fait il se trouve censuré, puisque du coup, étant suisse, il a une copie allemande de ce jeu, et il n'a pas pu se procurer une version française, alors que lui parle français, par exemple. Ce qui pose une question de est-ce que parfois, en traduisant, vous censurez, parce qu'il y a aussi des contraintes légales, parce qu'en Allemagne, il n'y a pas le droit, enfin, c'est très sensible de... Ah oui, d'ailleurs, là, en Allemagne, on n'a pas la possibilité de... Moi, j'ai pas la possibilité sur Steam d'installer Wolfenstein, par exemple. Alors, pour juste pour préciser, en fait, c'est que ces deux traducteurs français sont expatriés à Berlin. Voilà, pour expliquer pourquoi cette problématique est vraiment d'actualité pour eux. C'est ça, tout à fait, d'autant que j'avais hâte d'y jouer. En fait, on censure pas trop pour des contraintes légales. Sybille, avant que tu aies un exemple de ça, mais... Ouais, c'était... Bah... c'était un jeu chinois et... Et il y avait... Enfin, ça va vous paraître complètement incroyable, en fait. C'était un arbre, une espèce de dent, en fait, de tréant géant qui, en fait, était réputé pour soulever les jupes des petites filles. Écrit texto dans un jeu pour un MMO... Choupi Kawaii, cible 12-16 ans. Voilà. Donc, bien évidemment, j'ai altéré un petit peu les propos légèrement. Ouais, mais ça, c'est pas. Enfin, c'est pas que c'est une problématique légale, mais c'est, on ne censure c'est pas pour. Voilà, pas... c'est ça. Voilà. Non, mais c'est non, ça. La censure morale, effectivement, on la pratique dans certains cas, notamment, effectivement, pour des jeux coréens ou chinois, ça arrive régulièrement. Qu'on ait des trucs extrêmement sexistes ou racistes ou autres, et dans ces cas-là, personnellement, je juge que c'est pas forcément la peine de rendre le... Si, on parlait de GTA, il y a pas mal de moments dans des dialogues, dans un jeu comme GTA, où on va avoir des répliques qui sont sexistes, racistes, homophobes ou autres, mais ça fait partie de des personnages, donc c'est quelque chose qu'on doit rendre. Ça fait partie de la narration. Donc, quand c'est un argument de vente, un petit peu, en quelque sorte, quand ça fait partie de l'identité du jeu, en revanche, là, on se sent souvent libre de faire passer ça à la trappe. Ça devient Lost in Translation. Sybille, effectivement, ça a l'air d'être un truc assez, assez important. Enfin, je pense à ça, je me souviens d'un article sur un jeu japonais qui évoquait de manière récurrente le viol en mécanique de gameplay. Est-ce que vous, on sait que parfois la culture asiatique est empreinte de certains travers qui sont difficilement acceptables pour nos cultures occidentales. J'essaie d'être le plus neutre possible, hein. Notez les pincettes que je mets. Je n'encourage évidemment pas le viol et tout acte répréhensible. Justement, comment on traduit ça? Comment on essaie d'occidentaliser un peu, d'expliquer, de faire de la pédagogie aussi avec ça? Le problème, c'est que si c'est une mécanique de gameplay, pas normal. Enfin, à mon sens, je pense pas que ce soit un jeu qui soit adapté, voilà, au marché occidental, en fait. C'est vraiment une mécanique de gameplay clé, parce que bon, c'est juste un sort à lancer ou un truc comme ça, bon, il y a toujours moyen de déguiser ça, mais oui, dans ce cas-là, moi j'ai souvent tendance à mettre des aspects éducatifs ou alors d'inverser la situation. Souvent, on a des personnages féminins qui sont très cru-cruches et qui tombe amoureuse des garçons et qui rêve de se marier et qui se trouve pas assez belle et tout ça. Bon, ça a tendance à m'horripiler un petit peu, donc au contraire, je vais dire des choses un peu plus marrantes, du genre je rêve de porter un nœud papillon à mon mariage plutôt que de dire je veux une robe blanche avec des talons hauts et des choses comme ça. Et là, pour des problèmes plus graves, du coup, comme le viol comme mécanique de gameplay. Là, voilà, comme je disais, encore une fois, tout dépend, à mon sens, de l'importance de cette mécanique. Est-ce qu'elle peut vraiment être intégralement réécrite, en fait, pour le marché occidental, auquel cas il faudrait signaler aux développeurs, aux producteurs, que ça ne va pas passer pour un marché occidental, mais qui peut quand même être sorti. Ou alors, c'est vraiment prérogatif, c'est vraiment très, très, très important pour le jeu. Et là, bon, moi, je signe pas personnellement pour un jeu comme ça, mais je ne suis pas producteur. C'est vrai que c'est un petit peu le travail des producteurs en amont qui veulent distribuer ce jeu, de se poser la question, est-ce que ça va vraiment être adapté au marché occidental? Est-ce que ça peut être adapté au marché occidental? Malheureusement, il y en a qui ne se posent pas la question. Mais nous, en tant que traducteurs, tout ce qui relève du texte, on peut effectivement se démerder pour le camoufler. Quand c'est au cœur du jeu, c'est complexe. Et puis je pense à un truc, mais c'est pas assez. Effectivement, c'est une forme de censure et c'est quelque chose qui fait depuis longtemps. Ce que je pense à un exemple, je pense à Dragon Ball Z, quand c'était diffusé en France dans les années 90. Il y a une scène assez célèbre où comment il s'appelle le vieux là. Aucun fan de Dragon Ball pour Tortue Géniale, Tortue Géniale, absolument. Il y a Tortue Géniale, qui demande à voir la, qui est totalement le vieux pervers japonais, qui cherche à voir la culotte de Bulma, oui. Et qui est une gamine à ce moment-là. Oui. Et en français, comme visuellement, c'était pas possible de le changer. En français, ils avaient changé ça en disant qu'ils cherchaient à voir son maillot de bain. C'est ce qu'ils avaient pu faire de mieux, mais là, par exemple, on a un exemple de localisation qui fait une espèce de censure pour adapter au standard de la morale occidentale, et puis en plus, c'est diffusé à un public plutôt jeune. C'est limité, quoi. C'est un petit peu tout ce qu'on peut faire pour contrôler les dégâts. Oui, c'est ça. Je me rappelle très bien avoir vu cet épisode et avoir été... Alors, je crois que c'est plus tard que j'étais choquée quand je les ai revus. Je pense que gamine, j'ai pas été choquée. C'est quand j'ai voulu les re-regarder adultes. Les revoir, on se dit. Mais bon, du coup, mes maillots de bain, voilà, ça, c'était assez malin d'y penser. C'est pas extraordinaire, mais ça atténue un petit peu le malaise de la scène, quoi. Après, il y a beaucoup, là on sort du jeu, hein, mais il y a beaucoup de dessins animés japonais dans les années 80 et 90 qui ont été largement localisés, ne serait-ce qu'en changeant les génériques. Moi, j'ai je pense au Nicky Larson ou Cat's Eyes. Ken le survivant, avec ses hauts de cuisine et compagnie. Voilà, et quand on voit les versions non censurées adultes, on se dit heureusement heureusement que j'ai vu les versions censurées en fait à cet âge-là, parce que peu importe. Mais là on est dans la même un petit peu la même dynamique que le jeu, c'est-à-dire des producteurs qui ont acheté des produits, que ce soit des dessins animés ou des jeux ou autre chose, ça servait eux-mêmes, qui n'étaient pas adaptés à l'usage qu'ils voulaient en faire, c'est-à-dire le diffuser à un jeune public occidental. C'était d'ailleurs pas des dessins animés qui étaient faits pour un jeune public à la base, Nicky Larson et Ken le Survivant par exemple. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de fans qui ont été choqués de la censure qui a été appliquée au niveau de la traduction et du doublage. Mais c'était prévisible. L'erreur, elle a été faite quand ils ont acheté la série, en fait. Et du coup, là, tu parles doublage. Bon, il nous reste pas beaucoup de temps d'épisode, mais j'aimerais quand même poser quelques questions sur ce sujet-là, parce qu'on a beaucoup parlé de traduction textuelle. Quels sont les tenants et les aboutissants du doublage de jeu, en fait ? Est-ce que ça repose sur des problématiques très différentes de la traduction textuelle ? Ou au contraire, ça ce n'est que l'étape suivante à la traduction textuelle C'est une étape qui demande beaucoup plus de moyens techniques et humains. Qui demande beaucoup plus de sous aussi, c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de jeux qui le font. Il y a beaucoup de jeux qui sont sous-titrés par exemple, mais pas tellement qui sont doublés, parce que ça coûte très cher. Et c'est une étape qui demande des compétences complémentaires, c'est-à-dire que par exemple, on va demander au traducteur de faire ce qu'on appelle une adaptation, c'est-à-dire de prendre le texte qu'ils ont traduit et de le raccourcir ou de l'allonger pour que ça corresponde au temps de l'audio, ou même carrément de le synchroniser avec les mouvements des lèvres, ce qu'on appelle le lip-sync. Et ça peut radicalement changer le texte, radicalement non, parce qu'il faut quand même que ça reste proche du sens original, mais ça peut beaucoup changer la forme du texte qui a été traduit à la base. Donc c'est l'étape suivante, ça demande effectivement les mêmes compétences, mais c'est un petit peu différent, parce qu'effectivement, une fois que ça arrive en studio, les problématiques du texte sont beaucoup moins présentes que celles de coller au temps de l'audio et respecter le jeu de l'acteur, ce qui est complètement enfin qui nous est complètement inconnu quand on fait du sous-titrage, par exemple le jeu de lecteur, bon, ça nous intéresse pas du tout. Quand on est en studio, il faut qu'on puisse coller à l'intonation, etc. du comédien original. Donc ça demande ça pose des contraintes supplémentaires, effectivement. Et du coup, j'imagine que quand sa traduction passe à l'oral, il y a des choses qui ne collent plus, des termes. Je pense, là actuellement, on voit beaucoup de loot box. On dira, tiens, faut aller chercher la boîte. Ils ont lâché une caisse. Comment on gère ça? Absolument. Il y a effectivement pas mal de termes qu'on va chercher à changer. Heureusement, la plupart des termes qui restent en anglais sont des termes d'e-sport et de marketing, de transactions, etc. Donc c'est des choses qui ne sont pas doublées. Pour tout ce qui est dialogue et texte en jeu, c'est vrai que le moindre terme anglais ressort énormément. Et parfois à cause de la prononciation, parfois simplement parce que c'est à l'oral, quoi. Enfin, c'est un personnage qui parle, donc ça fait pas naturel, c'est pas quelque chose qu'on vit dans sa tête. C'est vrai que on va avoir beaucoup moins de marge à l'oral pour rester proche du texte anglais. Il va vraiment falloir faire de la localisation et aller chercher des choses qui sonnent très naturelles. Ne serait-ce que parce que sinon le comédien va pas pouvoir faire ressortir le texte correctement. Si c'est pas naturel écrit, ça le sera jamais à l'oral. Il faut vraiment avoir des phrases, des traductions naturelles en français, pas des traductions littérales, sinon c'est illisible pour un comédien. Oui, non, tout à fait raison. C'est-à-dire que le comédien ne peut pas prendre une traduction très très proche de la source et faire comme s'il s'exprimait naturellement, ce qui est finalement ce qu'on lui demande. Mais du coup, c'est bien parce que ça met en lumière un élément auquel j'avais jamais vraiment pensé. Ces jeux où il y a des voix, mais soit c'est marmonné, soit il y a juste les exclamations. Je pense à ça parce que je suis en train de découvrir le nouveau Zelda qui est assez cool. Et où effectivement, mais c'est quelque chose qui est vieux en fait, en réfléchissant à la plupart des jeux auxquels j'ai joué, soit c'est des langues qui ne sonnent comme aucune langue, du coup le sous-titrage c'est juste une sorte de sous-titrage parce que c'est une autre langue, ou alors c'est ces éléments-là, et en fait il y a tout un talent à rendre le fait qu'il n'y a pas de voix audible avec du sens. Ça rentre dans l'univers du jeu pour rester dans l'immersion et pas se dire on parle avec quelqu'un qui parle pas et on lit juste en fait. Non, c'est juste une histoire de d'atmosphère et tout. C'est assez ouais, sympa. C'est vrai, et tu as des comédiennes qui sont très qui sont très forts pour exprimer effectivement des exclamations ou chantonner ou faire simplement des espèces de, pas des bruitages, mais enfin faire des voix non textuelles, et ça fait partie de leur métier de comédien, hein. Ça fait être capable de ne pas se reposer sur le texte pour faire passer une émotion, alors c'est vrai quand il n'y a pas de texte, ça fait partie de leur qualité de comédien. Je pensais simplement un truc, c'est pas exactement ça, mais par exemple dans... pour se rendre compte de l'importance de la localisation pour le comédien, je pense à un jeu de plateau qui s'appelle Time Stories, vous connaissez peut-être, c'est un petit peu un mélange entre un jeu de plateau et un JDR, c'est un jeu de plateau avec des scénarios uniques, c'est à base de cartes où il y a beaucoup de textes, et chaque joueur est censé à son tour lire le texte qu'il y a sur la carte. Et si on compare les versions originales et les versions françaises, bien qu'il me semble qu'il y ait des scénarios qui étaient écrits directement en français, on se rend compte que c'est pas avec un texte... Quand on est obligé de lire à voix haute, on se rend compte à quel point on a besoin d'avoir un texte qui est parfaitement naturel et qui est parfaitement natif, qui est parfaitement... qui est écrit dans un français qui n'a pas l'impression qu'il a été traduit. Sinon, on bute sur les phrases et on a du mal à les sortir correctement. Et c'est un peu comme ça qu'on peut se rendre compte, avec un jeu comme ça, on se rend parfaitement compte du travail du comédien quand il est en studio. Je profite de ce petit aparté sur le métier de comédien ou de comédienne. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que il fallait peut-être avoir une culture ludique quand on est traducteur ou traductrice. Mais est-ce qu'il faut une culture ludique quand on est acteur ou actrice et qu'on fait du doublage ? Non, mais ça aide, on va dire. Ça aide. En fait, les comédiens peuvent prendre un peu les personnages comédiens, mais ça aide beaucoup quand on a en studio des comédiens qui connaissent les personnages, connaissent l'univers, qui connaissent déjà les prononciations, les intonations, et qui sont, en plus, ça les motive, ça les fait plus rentrer dans le personnage, mais normalement, eux, ils n'ont pas besoin de ça. J'aurais peut-être une dernière question avant de couper, puisqu'on a évoqué pendant tout ce podcast la traduction professionnelle, mais j'aimerais bien avoir votre regard sur la traduction amateur, parce que je pense à ça, ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion de jouer à Undertale. Undertale, qui était un jeu indépendant fait par quasiment un seul homme et qui a eu un certain succès de par sa narration, son histoire, etc. Et qui apparemment est un vrai casse-tête à traduire et n'a pas de traduction officielle. Par contre, il y a des modes. Il y a une traduction non officielle en français qui est sortie et sur laquelle je joue. Quel est votre regard par rapport à ces traductions amateurs ? Là, je parle d'Undertale, mais il y en a d'autres aussi. Je pense à Fallout, par exemple. Oui, c'est quelque chose qu'on voit souvent avec les jeux amateurs. De manière générale, les studios... les jeux amateurs, vraiment, les jeux indépendants. Les studios indépendants ont rarement les moyens de localiser leur jeu. Et donc, ils se contentent de donner accès au texte et de supporter la possibilité pour les joueurs de faire la traduction eux-mêmes. Et donc ça se voit beaucoup sur les jeux indépendants, surtout que le grand succès des jeux indépendants ces dernières années, ça se voit énormément des traductions indépendantes et d'amateurs. Et écoute, c'est tout simplement ça dépend, quoi. Ça dépend de ce à quoi donne accès le développeur. Est-ce qu'il donne accès vraiment à tout le contexte, à tous les textes, à la possibilité de tout traduire, etc. Ou est-ce qu'il donne rien du tout et il faut extraire les textes soi-même ? Ça peut beaucoup jouer. Et ça dépend de qui le fait. Est-ce que c'est un forum de traducteurs certainement très enthousiastes, mais qui vont pas être très organisés, où il va y avoir différents niveaux linguistiques, différents niveaux de perfectionnisme, etc. Ou est-ce que ça va être fait par une ou deux personnes qui vont pouvoir garder une bonne cohérence, parfois par des gens qui pourraient être traducteurs professionnels, qui ont une très bonne compétence dans la traduction, mais qui ne le sont pas forcément. Ça va complètement dépendre. Moi-même, j'ai commencé par de la traduction amateur avec Wasteland 2, qui avait été c'est une traduction participative. Et clairement, on a pu faire quelque chose de correct parce que Inxile, le développeur, nous a donné accès à toutes les informations qu'on voulait, nous a permis d'avoir une relecture professionnelle, etc., etc. On a eu beaucoup d'outils pour arriver à ça, mais quelqu'un qui fait ça chez lui, dans son coin, va évidemment pas être avantagé. Du coup, ça va me donner ça me donne l'idée encore une dernière question. Avant notre question de fin de saison, de fin d'épisode, comment on devient traducteur de jeux vidéo ? Tout simplement, je me dis, ça peut intéresser des auditeurs ou auditrices. Écoute, on a des parcours sans être atypique. On n'a pas des. Enfin, bon, moi, en sortant de la fac, j'ai dit, ok, je sais ce que je veux faire, je veux être traductrice de jeux vidéo. Donc, c'est bien, j'étais bien entêtée, je savais ce que je voulais. Bon, il m'a quand même fallu 3 ans de licence pour me rendre compte que je pouvais faire un métier de passion et pas un métier emmerdant. Licence de quoi ? Hein ? Licence d'anglais. J'ai fait une licence d'anglais LLCE et un bac L avant, SP anglais. Et j'ai passé ma L3 en Erasmus aux États-Unis. Donc j'encourage les gens qui sont peut-être encore en études, qui pensaient s'orienter là, de surtout partir. C'est très important, c'est très très très important de partir à l'étranger. Ça aide à se développer intellectuellement et ça se détend de la quiche. C'est très important. Enfin bref, donc voilà, donc j'ai fait ma licence d'anglais et quelques mois plus tard, j'ai trouvé un poste en fait dans à l'époque une start-up qui traduisait, qui avait un département de traduction de jeux vidéo. Par contre, j'ai eu assez de chance, je pense, mais voilà, c'est comme ça que je suis rentrée et là, depuis un an, je suis à mon compte. Et ça se passe pas mal. Benjamin, c'est un peu plus improbable. Ouais, c'est un peu différent. Déjà, je dirais qu'il existe des filières de traduction. Hein. Il existe des masters de traduction, notamment, traduction littéraire, qui sont des bons diplômes. Hein. Donc, pour ceux qui ont envie d'apprendre le chemin le plus direct, c'est peut-être la meilleure solution. Mais c'est pas la seule et effectivement on peut avoir des parcours plus atypiques. Moi personnellement j'ai un diplôme d'ingénieur du son, donc ça ne peut provoquer un rapport. Une passion très ancienne pour le jeu vidéo évidemment. Et à côté de ça, j'ai toujours été très intéressé par la langue anglaise, j'ai fait des traductions de mon côté, etc. J'ai commencé en faisant de la traduction amateur sur des jeux relativement importants, et c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu. Et il faut comprendre que quand on est traducteur indépendant, on est beaucoup moins jugé sur son parcours que sur sa capacité tout simplement à réussir les tests qui sont envoyés par les agences de traduction. Voilà, quand on postule, normalement, peu importe ce qu'on a sur le CV, s'ils ont besoin de traducteurs, ils envoient un test et tout se joue là-dessus. Donc il y a une égalité des chances un petit peu. Juste là par rapport au test, ce sont vraiment des tests, ils envoient le même test à tout le monde, ou c'est pas une manière de traduire une partie du jeu gratos en faisant bosser des traducteurs? Non, c'est des tests. Non, c'est le même test pour tout le monde et souvent c'est des. Même tout le temps, ce sont des textes de jeux qui sont déjà sortis en fait. Ou qui n'ont jamais été traduits et qui ne le seront pas, ou alors carrément des textes maison. C'est absolument pas une façon de faire travailler, d'autant que c'est pas des textes qui sont très longs en général, mais c'est juste une façon de tester les capacités du candidat à traduire sur tous les aspects d'un jeu vidéo. Et sinon, parmi nos amis aussi, on a aussi, il y a aussi moyen, par exemple, de faire du LQA, donc c'est-à-dire le test de linguistique après la traduction. Et c'est un bon moyen aussi de rentrer dans le milieu de la localisation. Et si la traduction est vraiment sa spécialité, dans ce cas, de pouvoir évoluer ensuite en traduction. C'est vrai que le test de localisation est une bonne porte d'entrée vers la localisation elle-même. Ça permet de découvrir les processus utilisés dans les entreprises, de découvrir un peu le milieu, souvent de faire un petit peu de traduction soi-même en corrigeant les textes qui ne vont pas. Et petit à petit, éventuellement, de devenir traducteur. C'est un bon point de départ, effectivement. C'est marrant, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont rentrés par les démarches qualité. On va terminer ce podcast, parce qu'on a déjà dépassé l'heure ensemble. On a une question qu'on pose en fin d'émission, une question, une sorte de tradition chaque saison. Pour cette quatrième saison, la question traditionnelle, je me répète beaucoup dans ces phrases, c'est quel est votre petit plaisir coupable en jeu ou peut-être dans la vie, je ne sais pas. Alors c'est en matière de jeu hein, pour les autres personnes qu'on a interrogées. Hein. Voilà, on a toujours interrogé sur le jeu jusqu'à présent. Après, si vous voulez vous dénoncer, je ne sais pas, mais à vos risques et périls. Voilà. Qui veut petit plaisir coupable, petit voilà, plaisir comme coupable, je sais pas. Voilà, j'ai pas moi. C'est Baldur's Gate. Hein. Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, et ensuite toutes les déclinaisons avec Pillars of Eternity plus récemment. Mais Baldur's Gate, quand je me sens pas bien, je prends un paquet de chips, un théière de café, et je joue à Baldur's Gate pendant toute la journée. c'est en fait c'est le premier jeu, enfin des premiers jeux auxquels j'ai vraiment joué quand j'étais petite, un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, et c'est grâce à ce jeu en fait que à apprendre beaucoup d'anglais, parce que je connaissais le jeu par cœur, tous les dialogues par cœur en français, et je fais oh je vais l'installer en anglais. C'est comme ça que j'ai appris des mots très utiles dans les jours, comme arc ou armure de cuir, voilà, en anglais. C'est bien. Pour mon voyage à New York, ça a été très concluant. Moi, je dirais. Ben moi, c'est quelque chose. Alors, c'est vraiment futile, mais j'aime beaucoup. Je suis un chasseur de succès, moi. C'est le truc que je fais énormément depuis qu'il y a des succès dans tous les jeux. Même si c'est parfaitement inintéressant à faire et que ça prend beaucoup de temps, ça peut m'arriver de passer beaucoup, de passer des après-midi à rien faire d'autre qu'aller chercher des succès. C'est un truc que j'aime bien, ça sert à rien et j'aime bien ça. Je confirme, en fait, je le vois tellement essayer de grinder tous les succès. Stardew Valley fait « Ah oui, mais non, mais en fait, j'ai voulu finir le Community Center pour avoir le succès, parce qu'il faut le faire avant la fin de la deuxième année. Et maintenant, j'ai la pression, parce qu'il faut que je le fasse aussi. Je me dis « Non, non, sinon, moi, je vais pas y arriver. » Mais non, non. Faut pas se mettre la pression, c'est mal. Voilà. Attends, il y a des succès dans Stardew Valley ? Oui. Bon. Avec Success Team, ouais. C'est trop bien. En ce moment, je joue plus à Stardew Valley qu'à Baldur's Gate, hein, mais bon, après y avoir. Alors que ça a l'air un jeu tellement pipou, quoi, enfin tellement doux. C'est trop bien. Il y a des poules et des vaches. Oui, tu peux pêcher, mais bon, moi j'ai fait que le tester pour le moment. Il y a des succès dans Stardew Valley. Pardon. Mais un bon fermier qui teste. Bah c'est ça, quoi, en fait. Mais moi j'aime bien aller pêcher avec mon copain là. Oh, moi j'arrive pas là. Bah, moi justement, j'ai pêché plein de trucs et c'est pour ça. Voilà. Sur cette parenthèse de jeu pipou capitaliste. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de cette émission, de nous avoir partagé vos métiers de traducteurs et traductrices de jeux vidéo, mais aussi de doubleurs. Merci beaucoup à vous de nous avoir reçus et de nous avoir permis de nous exprimer sur le sujet. C'est un plaisir et nous espérons que notre profession intéressera beaucoup. Oui, très bien. Bon, peut-être que ça fera des émules. Pas trop, parce qu'il faut que vous gardiez votre travail quand même. Et ouais, merci beaucoup. Voilà, c'était un sujet qu'on n'avait pas encore vu à Ludologie. Et merci à vous. Du côté des auditeurs, merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, surtout, n'oubliez pas de jouer.